Première partie, chapitre 9 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 9. Méditation sur la création de l'homme. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, suppliez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, considérez qu'il n'y a que tant d'années que vous n'étiez pas au monde, et que votre être n'était pas un vrai néant. Où étiez-vous, ô mon âme, en ce temps-là? Le monde avait déjà subsisté durant une longue suite de siècles, et il n'était rien de tout ce que nous sommes. Deuxièmement, pensez que Dieu vous a tiré de ce néant pour vous faire ce que vous êtes, sans que vous lui fussiez nécessaire, et par la seule raison de sa bonté. Troisièmement, formez-vous une noble idée de l'être que Dieu vous a donné, car il est le premier et le plus parfait de tous les êtres de ce monde visible. Il est créé pour une vie et une félicité éternelle, et capable de s'unir parfaitement à la divine majesté. Affection et résolution. Premièrement, humiliez-vous profondément devant Dieu. Dites comme le psalmiste, « Ô mon âme, sache que le Seigneur est ton Dieu, et que c'est lui qui t'a faite, et que tu ne t'es pas faite toi-même. Ô Dieu, je suis l'ouvrage de vos mains. Ô Seigneur, toute ma substance n'est en votre présence qu'un vrai néant. Et qui suis-je, moi, pour que vous ayez voulu me faire ce bien? Hélas, mon âme, tu étais abîmée dans cet ancien néant, et tu y serais encore si Dieu ne t'en avait tiré. » Deuxièmement, rendez grâce à Dieu. Ô mon Créateur, vous dont la bonté égale l'infinie grandeur, que je vous suis redevable, pour m'avoir fait par votre miséricorde tout ce que je suis. Que ferais-je pour bénir dignement votre saint nom et pour remercier votre immense bonté? Troisièmement, confondez-vous. Mais hélas, mon Créateur, au lieu de m'unir à vous par amour et par mes services, mes passions ont révolté mon cœur contre vous, ont éloigné et séparé mon âme de vous, et elle s'est livrée au péché et dévouée à l'injustice. Je n'ai non plus respecté ni aimé votre bonté que si vous n'eussiez pas été mon Créateur. Voici donc les bonnes résolutions que votre grâce me fait prendre. Je renonce à ces vaines complaisances qui depuis si longtemps n'ont occupé mon esprit et mon cœur que de moi-même. C'est-à-dire de rien. De quoi te glorifies-tu, poussière et cendre? Ou plutôt, véritable et misérable néant, qu'as-tu en toi qui puisse te plaire? Je veux m'humilier, et pour cela je ferai telle et telle chose, je souffrirai tel et tel mépris, je veux absolument changer de vie, je suivrai désormais ce mouvement d'inclination que mon Créateur m'a donné pour lui. J'honorerai en moi cette qualité de créature de Dieu, par laquelle je me considérerai uniquement, et je consacrerai l'être tout entier que j'ai reçu de lui à l'obéissance que je lui dois, selon les moyens que j'en aurai, et dont je me ferai instruire par mon Père spirituel. Conclusion. Premièrement, remercie Dieu. Bénis ton Dieu, ô mon âme, et que tout mon intérieur soit occupé des louanges de son saint nom et de la reconnaissance que je dois à sa bonté pour le bienfait de ma création. Deuxièmement, offrez-vous à Dieu. Ô mon Dieu, je vous offre tout l'être que vous m'avez donné, avec tout mon cœur, je vous le consacre. Troisièmement, faites une humble prière à Dieu. Ô mon Dieu, je vous supplie de me soutenir par la force de votre esprit dans ses résolutions et ses affections. Sainte Vierge, je vous prie de les recommander à votre adorable Fils, avec toutes les personnes pour qui je dois prier. Etc. Pater, Ave. Après la méditation, recueillez-en le fruit. Vous formez une idée de ce qui vous a le plus frappé l'esprit et plus touché le cœur. Vous la repasserez en vous-même de temps en temps. Dans le cours de la journée, pour vous soutenir dans vos bonnes résolutions. C'est ce que j'ai coutume d'appeler le bouquet spirituel. Et je compare cette pratique à l'usage de ces personnes qui prennent le matin un bouquet sur elles et le sentent souvent durant le jour pour réjouir et fortifier le cœur par la bonne odeur des fleurs. Je vous en avertis ici pour toutes les méditations suivantes. Fin du chapitre 9. Première partie.